Cellule de guerre, préparation congrès. Première remarque, Jean-Baptiste Parra dit: la télé représente l'inverse de la société que nous souhaitons, elle doit distribuer des choses de merde pour maintenir la population devant, uniquement pour la publicité. Ok. Les seuls progrès de civilisation pourront être obtenus en arrachant différents domaines à la dictature de l'argent, éducation, santé, culture. Pour ma part, je tendrais à penser que les seuls progrès de civilisation pourront être obtenus en arrachant toute la société à la dictature de l'argent et pas seulement quelques domaines comme l'éducation, la santé, la culture. Pour ma part, la production entière doit être arrachée à la dictature de l'argent. Claude Thiebaud critique le surinvestissement du parti sur les multimédias, les autorités de l'information confèrent regard humanité. Ensuite, il enchaîne, il faut dire que la télé c'est de la merde, mener des campagnes contre la télé soit un de nos objectifs, la télé étant une énorme manipulation. Deux remarques. Je ne vois pas pourquoi le parti n'utiliserait pas les multimédias et ce outil d'information qu'il représente. Un potentiel de démocratie assez important, de transmission du savoir et de la culture, pour peu qu'on se donne la peine de les utiliser. Par exemple, Internet, une liste de discussion ou un groupe, plutôt une liste de discussion qui est plutôt simple à mettre en œuvre, peut représenter un potentiel de discussion et de débat. Rien actuellement ne peut égaler. Alors la télé c'est de la merde, ça c'est une chose. Mener des campagnes contre la télé, pourquoi pas, c'est un de nos objectifs, ok, mais la télé étant une énorme manipulation, je crois pas que la télé soit une manipulation. Explication par manipulation, supposant toujours des manipulés et des manipulateurs. Or, il ne me semble pas qu'il y ait quelconque manipulateur qui détiendrait une claire conscience du monde, une perception du monde dans sa vérité, et qui s'appliquerait avec soin à travers la télé à en masquer la connaissance en manipulant les consciences. La télé produit de la merde, mais elle produit de la merde sans qu'il y ait manipulation, c'est son fonctionnement normal. Dans les rapports sociaux capitalistes actuels. Bien. À propos de Claude Thiebaud encore, pas d'accord avec Roland Perlican qui au comité national utilise les notions d'extérieur et d'intérieur. Le parti n'est pas un fortin assiégé, on doit être à l'aise. Oui, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a ni intérieur ni extérieur, ni dedans ni dehors. LR lui fait remarquer que le parti n'est pas toute la société, à juste titre. Donc, à moins d'avoir comme vision un parti qui soit partout, diffus, sans limite, sans contour. Bon, c'est une vision panthéiste, c'est quelqu'un qui s'est taoïste, quoi. Ça va aller très bien. Et c'est clair que le parti est un intérieur et un extérieur, même si c'est gênant. Le tout est de savoir à quel degré de perméabilité l'extérieur, l'enveloppe est. Alors Thiebaud continue. Il fut un temps où le parti communiste était très doctrinal. Cela pouvait se justifier dans le contexte de l'après-guerre, mais aujourd'hui, le PCF n'a plus les effectifs d'alors. Le stalinisme, le programme Copain, la montée de la droite ont provoqué la baisse de notre audience. Moi, je ne pense pas que. Il y a eu un temps où le caractère doctrinal du parti put se justifier. À mon avis, le fait que le parti soit doctrinal a été une erreur, quelles que soient les circonstances. Et on voit bien dans l'esprit de Claude ce qui se passe. au fond, doctrinal pour lui veut dire avoir des principes, avoir une vision à peu près claire de sa tâche, et qu'aujourd'hui, il lui apparaît qu'on n'a plus les moyens, du fait de la baisse des effectifs, d'avoir quelque chose à dire au fond, autre qu'une revendication de gauche. Bon, au fond, si on peut comprendre son doctrinal par communiste, le Parti communiste était très communiste, et il n'a plus les moyens aujourd'hui d'être communiste, donc il n'a plus qu'à être un grand parti de gauche. Très bien, qu'il n'y a pas d'extérieur, qu'il n'y a pas d'intérieur. C'est une vision. Du parti fusionnel avec la société. Donc avec cette erreur supplémentaire qu'il pense qu'il y a une société qui a un intérêt commun et que le parti peut incarner cet intérêt commun. Or, je rappellerai que que nos sociétés sont ces sociétés de classe. Et que l'intérêt commun, il n'y en a point. Et que les seuls qui mettent en avant l'intérêt commun sont la bourgeoisie, qui réussissent ce tour de force de présenter leur intérêt particulier comme l'intérêt universel. Par contre, il a tout à fait raison de noter que le parti fonctionne mal, qu'il y a moins d'effectifs. Et que s'il y a moins d'effectifs, c'est peut-être aussi parce que les gens, ça ne les intéresse pas. Alors, pour lui, l'ouverture pendant la préparation du congrès peut peut-être permettre à ceux à qui on ouvre de s'exprimer, au risque sinon de devenir un groupuscule. Bon, je ne crois pas que l'alternative soit soit on s'ouvre, soit on est un groupuscule. Effectivement, LR dit qu'il n'est pas d'accord avec Thiebaud, qu'il faut effectivement ouvrir le parti, mais pas pendant le Congrès. Le parti n'est pas toute la société, ça c'est juste. Le problème, c'est que oui, on n'a plus le choix, quoi. Effectivement, LR continue. Ce n'est pas le moment approprié. On devrait avoir une certaine homogénéité de pensée alors qu'on ouvre notre presse à tout va. Bah oui, mais on n'a plus le choix. C'est sûr qu'ouvrir le parti maintenant, c'est pas sans conséquence sur la ligne probable que le parti aura. Il y a de fortes probabilités pour qu'on assiste à une orientation droitière du parti, du fait que du fait qu'on n'a pas cette, non pas cette homogénéité de pensée, et qu'on agit effectivement sans principe au parti. On agit sans principe, sans stratégie et sans avoir remplacé les éléments hérités du léninisme qui fondaient notre identité par d'autres éléments. Ce qui fait qu'être communiste aujourd'hui, c'est quoi? Et ouvrir le parti sans que le parti sache à peu près aujourd'hui ce que être communiste veut dire, ce que les communistes veulent, ça conduira obligatoirement à une dérive à droite du parti. À la limite, cette dérive à droite du parti n'est pas très gênante en soi. Où elle ne fut pas très gênante en soi quelquefois, si le parti par la suite a les moyens d'intégrer ces éléments nouveaux et extérieurs. Et pour corriger, corriger la dérive. On ne peut pas exiger des personnes qui participent par exemple à la discussion du Congrès et qui seraient des intervenants extérieurs au parti d'être au même niveau politique que nous. Mais de toute manière, la question c'est de savoir si nous on a un niveau politique. Et au fond, ce qui est à craindre, c'est que de toute manière, cette dérive droitière s'approfondisse, parce qu'elle est déjà entamée, parce que les éléments extérieurs au parti sont déjà à l'intérieur. Bon. Ouais, bon.